Les inattendus de la science, c'est votre affaire Fabienne Chauvière, bonjour. Bonjour, oui, c'est mon affaire. On va draguer ce matin, on va prendre des informations pour mieux draguer, car c'est scientifique. Pour draguer, on sait maintenant que les souris savent y faire. Oui, car les souris, certaines en tout cas, draguent en chantant. Pour séduire, le mâle souris Scotinomys stegina joue de ses cordes vocales. Son répertoire est même élaboré. Des chercheurs de l'Université du Texas ont découvert que les mâles qui chantaient le plus présentaient des concentrations plus élevées en leptine, une hormone liée aux réserves de graisse. Selon l'étude qui vient de paraître, les souris mélomanes émettent pendant presque 20 secondes des compositions à mi-chemin entre le chant du criquet et celui d'un bébé oiseau. Les femelles de cette espèce sont aussi capable de chanter. Et là, c'est peut-être pour faire dormir leur bébé. Et le chant de la souris amplifié est à retrouver sur le site de France Inter. À propos des extraterrestres, s'il y en a quelque part, eh bien, il se pourrait bien qu'ils ne puissent jamais arriver jusqu'à nous. Selon un chercheur allemand, Eric, les lois de la gravité les en empêcheraient. Tu descends ? Et pourquoi faire ? Bah je sais pas moi, descends. Il y a dans l'univers des mondes habitables comme Kepler-20b, la plus grosse super-Terre connue à ce jour, 10 fois la masse de la Terre, à 945 années-lumière de chez nous. La gravité sur ces grosses planètes y est très très élevée. Selon l'astronome allemand Michael Hipke, les hypothétiques habitants de Kepler-20b ne peuvent pas en partir à cause de la pesanteur. Pour décoller d'une exoplanète de 10 masses terrestres, une fusée conventionnelle devra peser 400 000 tonnes. Or, le lanceur le plus puissant construit à ce jour sur Terre ne pèse que 3050 tonnes. Selon le chercheur, les civilisations originaires des super-terres resteraient plutôt coincées sur leur planète. Mais qui sait ce dont les extraterrestres sont capables ? Fabienne, on parlait de la drague pour commencer. Eh bien, à propos des sentiments, on peut lire les problèmes de cœur dans les yeux des adolescents. Oui, mais là, il ne s'agit pas d'histoire d'amour, Eric, mais de problèmes cardiovasculaires. C'est le cœur, c'est le cœur. Chez les adolescents, des changements au niveau de la vascularisation de la rétine pourraient permettre d'anticiper des maladies cardiovasculaires. Des chercheurs australiens viennent de publier leur étude. 1600 jeunes ont été suivis, on a évalué leur santé, leur bien-être mental et physique. Les adolescents qui ont obtenu les scores les moins élevés avaient des changements structurels de leur vaisseau rétinien, des artères plus larges et des vaisseaux sanguins plus étroits qui sont des indicateurs possibles du risque futur de maladies cardiovasculaires. Ces maladies représentent la première cause de décès dans le monde. Il s'agit là d'une découverte très prometteuse. Je veux tes yeux, que tes beaux yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. On va parler Merci. Des fourmis, Fabienne. On a identifié des fourmis kamikazes. Oui, pour repousser un ennemi, elles se font exploser en dégageant un liquide toxique. Tenno-ega ! Banzai ! Cette espèce de fourmi kamikaze vient d'être découverte au nord de l'île de Bornéo. Pour tenir un ennemi à distance, les ouvrières de la colonie se contractent très fortement et créent suffisamment de pression pour faire éclater la paroi de leur abdomen, libérant un liquide acide. Ce ne sont pas les premières fourmis kamikazes à être découvertes, mais cette nouvelle espèce se fait exploser facilement et elle est donc très intéressante pour les chercheurs. Un tel phénomène reste très rare dans la nature. Peu d'insectes vivant en colonie, comme les fourmis ou les abeilles, sont connus pour se sacrifier de cette manière. Et les inattendus de la science, c'est aussi sur franceinter.fr. Merci Fabienne Chauvière.